trouver sur le net. Attends, je t'ai pas dit. Tu sais ce qu'ils ont fait à l'école aujourd'hui? Non. Vous avez fait quoi? Bah vas-y, dis-lui. On a parlé de ce qu'on voulait faire plus tard. Eh ben c'est bien ça, qu'est-ce que t'as dit à la maîtresse du coup? Médecin. Pardon? J'ai pas bien entendu là. Ah bah t'assumes maintenant, hein. Médecin. Oh putain. Fait que ça tombe sur moi. T'as compris maintenant? Ce petit con veut faire médecin. Bon, écoute mon chéri, moi je comprends que t'as envie de te démarquer des autres, ok? Mais il faut être un petit peu réaliste, faut penser à faire un vrai métier, quelque chose comme... Instagrammeur. Bah oui mon grand, ça a combien de followers en médecin? Hein? Même pas 1000? C'est ça que tu veux faire de ta vie? Moi je veux sauver des vies. Oui mais alors ça mon bébé, tout le monde a envie de sauver des vies, mais quand même là, je veux dire... Non parce que médecin c'est un métier manuel, je sais pas si tu te rends bien compte, d'accord? C'est pour les gens, voilà, qui ont pas le choix, qui avancent dans la vie comme ils peuvent. Ta mère et moi on a bossé assez dur pour que t'aies pas besoin de faire ce genre de métier. Écoute, mon chéri, moi quand je te vois, je vois un youtubeur. Oui, ou un pro-gamer, tu vois, on n'a pas non plus des ambitions incroyables. Voilà, mais pas un médecin, mais qu'est-ce qui t'a mis cette fille dans la tête? C'est le père d'Enzo, il est chirurgien, il dit que c'est le plus beau métier du monde d'aider les gens. C'est le plus beau métier du monde d'aider les gens, tiens, tu vas voir. Bonjour madame, je crois que j'ai un cancer de la gorge, ça me pique. Oh là là, ouais, bah attendez, je vais vous chercher du mercure en chrome. Non. C'est nul, c'est ridicule. Puis de qui on parle là, hein? On peut me dire là de qui on parle? Le père d'Enzo, c'est qui? Il est connu? Oh, bah attends, on va vérifier tout de suite, tiens, je vais taper père d'Enzo, chirurgien. Allez hop, rien, c'est personne. Voilà, c'est ça que tu veux, hein? Qu'un jour, on tape ton nom sur Google et qu'il n'y a aucun résultat, hein? Non. Bon, allez, ça suffit, maintenant tu files dans ta chambre. Tu vas prendre des selfies et je te garantis que tu vas tweeter. Tu me dégoûtes! Et je veux voir des notifications, hein? Et que ça buzz! Bon, bah là, on a été un petit peu ferme, hein, mais c'est important de réagir vite, sinon ça dégénère. Là, il dit médecin, mais ça peut vite finir en avocat. Hein. Ou architecte, ça fait y arriver un neveu à moi. Comme on a un petit peu le temps dans ce micro ouvert, on s'écoute l'effondrement c'est naïf, Gary Domeniconi. Un petit 8 minutes. On parle toujours de technologie, d'avoir le dernier smartphone, d'avoir etc. etc. Low-tech, est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu ce concept-là? Il y a Biwix ouais. Hein, qui a écrit un livre, L'âge du low-tech, qui est possible. Très très intéressant. Oui, il est venu en plus à l'EPFL en parler il n'y a pas longtemps, il était invité. Ouais. Un petit mot que je voulais dire, c'est que tu remarqueras quand même que planter des carottes, les low-tech, c'est sympa, mais ce n'est pas dans la même dynamique que le militantisme. Il y a le militantisme, il y a une société dysfonctionnelle qui est en train de tout péter, il faut la battre. Que ce soit planter des carottes ou utiliser des low-tech, on n'est pas dans une dynamique de péter les trucs qui vont mal. On est dans une dynamique d'aller à côté. Bah, ça, c'est aussi une théorie. Il faut l'abattre. Parce qu'on pourrait penser, justement, si on est partisan des théories de l'effondrement, qu'il n'y a pas besoin de l'abattre puisqu'elle s'abat toute seule, elle va tomber. Donc, il faut se préoccuper d'abord de retisser la future société et puis ces gens qui plantent les carottes, c'est ça qu'ils font. Donc, ça tombe et puis après, il y aura le filet qui permettra, qui sont en train de construire là, qui va émerger. Mais c'est d'une naïveté quand même assez sympathique de se dire que... Il tombera tout seul? Non, il tombera tout seul. Oui, mais ça veut dire quoi tomber? C'est-à-dire que ça veut dire que il y aura une énorme chute économique, enfin des catastrophes climatiques, etc. De penser qu'il y a des centres-villes et que au bord des centres-villes, il y a, disons, alors faisons une approximation mentale de la population de gens qui sont suffisamment renseignés sur les théories de l'effondrement, qui ont eu un contexte social adapté, l'envie, la motivation de faire des fermes en permaculture, disons 0,01% de la population, je pense que c'est même optimiste, 0,01% de la population des villes qui sont dehors en train de faire un petit champ. Vraiment une énorme ville et un tout petit coin ici où il y a des... Oui, mais ils créent des modèles. Si je me joue l'avocat du diable. Hein, 100% d'accord. Mais un modèle, c'est à nouveau une idée, c'est une sécouche. Parlons vraiment de ce qui se passe dans la réalité. Parce que l'effondrement, pour le coup, a cet avantage-là, c'est qu'il dit « enlevons tous ces concepts de merde, enlevons tous ces concepts énergie renouvelable ou pas, parlons en termes d'énergie, de ressources, de distribution. » Et c'est quelque chose qui est très matérialiste, l'effondrement. Il dit « on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir les idées qu'on veut, être un génie ou pas, quand t'as pas de ressources, c'est inutile. » Vraiment, une croissance infinie dans un monde fini, c'est ça. C'est chèque et mat. Et la plupart des théories de l'effondrement viennent d'ailleurs des milieux de sciences très pointues, ils réfléchissent en termes d'énergie, en termes de joules, etc. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que tu as ton centre-ville qui s'effondre. C'est pas ton centre-ville qui s'effondre, le gouvernement qui se dit « Ah, tout d'un coup, on n'a plus de pétrole, je suis l'incarnation du mal, tous les dirigeants qui font harakiri, le peuple qui fait « Oui, la société est tombée, on est sauvé. » et on va aussi faire des champs, regardez, eux là-bas, ils faisaient des champs, ils étaient très bien. C'est un durcissement progressif qui va vers des totalitarismes, qui va vers une armée qui contrôle un peu les ressources, etc. Et le jour où ça pète, ça pète de manière extrêmement violente, ça pète de manière complètement destructrice. Et thoughts and prayers, comme diraient les gens qui militent via Facebook, aux gens qui auront leurs 2 hectares de plantation de pommes de terre un peu à l'écart de la ville. Mais croire que le système, on s'extrait du système et le système va s'effondrer et les gens vont venir dans notre système à nous, alors que sans penser que l'effondrement du système va absolument anéantir notre propre mode de vie, c'est... Surtout qu'on n'est pas sûr qu'il s'effondre ce monde-là avant, parce que si ce monde-là, avant de s'effondrer, il a brûlé assez de CO2 pour monter la température de 5 degrés, notre plan de potager avec nos carottes, on a beau l'avoir fait dans un modèle alternatif, si notre modèle alternatif il a 5 degrés de réchauffement climatique, les carottes elles poussent plus. Donc cette idée que le monde va s'effondrer, il n'y a plus besoin de le faire nous-mêmes, youpi, on peut planter des carottes, attendre qu'ils s'effondrent et les gens viendront chez nous en planter à côté de nous, c'est, pour moi c'est d'une naïveté sans nom. De penser qu'il ne faut pas aller abattre nous-mêmes ce truc, certes, abattons-le en préparant un filet de secours, mais l'objectif numéro 1 c'est quand même l'abattre. Parce que l'autre possibilité, c'est que soit il s'effondre, c'est catastrophique, et il y a des répercussions sur les modes de vie alternatifs qui sont énormes, soit il ne s'effondre pas, et le jour où il a besoin de territoire pour construire un nouveau parking ou une nouvelle autoroute, ton champ de patates, tu peux lui dire ciao, parce que dans 10 ans, dans un contexte de crise climatique dans 10 ans, les gouvernements, il n'y a qu'à voir dans tous les pays, hein, les gouvernements se militarisent, se fascisent, etc. Tu as l'armée gouvernementale qui dit maintenant ici, il y a une nouvelle entreprise, etc. Puis tu vas te faire virer à coups de pied au cul et puis à coups de menaces pénales, etc. De ton terrain qui va être aplati, comme ils sont en train de le faire pour faire des champs de maïs, des autoroutes, des trucs dans l'Amazonie, etc. Donc regardons ce qui arrive au peuple amazone. Hein. C'est des peuples qui construisent des modes de vie alternatifs. Ils sont pas dans notre mode de vie à nous, ils sont dans l'Amazonie, ils font leur truc en permaculture et c'est des modèles. Est-ce que c'est des modèles? Je suis 100% d'accord. Les tribus indigènes d'Amazonie ont une inscription dans leur écosystème qui est bien meilleure que la nôtre, qui est bien plus adaptée, qui est bien plus long-termiste et vers laquelle on devrait tendre. Ce qui se passe, c'est que si notre société coexiste à côté de la leur se fait bousiller. Parce que en termes... Ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. Oui, c'est ce que je dis. Mm-hmm. C'est ce que je dis. Donc, pensez que si nous, on est des petits blancs bourgeois et qu'à l'extérieur de nos grandes villes, comme Lausanne, on va faire une petite permaculture, ça ne va pas nous affecter, c'est penser qu'on est très différent de ces peuples qui sont sortis de la société ou contre société pareil ailleurs et qui se font actuellement fracasser. Mais on va se faire fracasser aussi si on n'abat pas... Et c'est un peu l'ironie ultime de ces deux modèles de société, c'est-à-dire qu'il y en a un, ils disent ben, ma famille a toujours été là, c'est notre territoire, et l'autre a ce qu'on appelle un état, que l'autre n'a pas, a ce qu'on appelle une police, que l'autre n'a pas, qui dit hey, j'ai ce bout de papier qui dit que ce terrain-là appartient aux États-Unis, vous êtes dessus, donc par ordre de l'État, je vous chasse. Et autant dire ma famille était là, c'est une tradition millénaire, c'est notre territoire, c'est une couche de réel inventée, parce que c'est pas vrai, c'est pas le territoire de quelqu'un, il est juste là. Autant dire j'ai un état, j'ai une police, j'ai des droits, j'ai un concept de propriété, c'est aussi des couches de réel. Et donc les deux couches de réel se battent entre elles. Un qui dit ouais c'est chez moi, c'est à ma famille, non j'ai un titre de propriété. Autant dans le réel ce qu'on a, c'est qu'on a d'un côté une société armée avec une énorme force de frappe, de l'autre côté une petite société pas armée. Ouais. Et donc dans le réel ce qu'il fait c'est qu'on a beau avoir les couches qu'on veut, oui mais c'est un modèle, elle se fait anéantir. Donc cette idée que l'effondrement va arriver, qu'on ne doit pas le provoquer de plus rapidement, de manière la plus safe, nous-mêmes, et qu'on ne doit pas démanteler le système le plus rapidement possible, parce qu'il va de toute façon tomber. Ça ne semble pas être un argument, voilà. Non, okay. Et c'est même l'inverse, okay. Parce que ça prend des gens qui étaient en train d'anéantir le système, et qui, à la place, vont faire leur petite zade dans les bois, tout seuls à faire leurs carottes, et qui vont se faire panzer dans 10 ans. Ouais, peut-être il y aura 10 Panzers à la place de 12 parce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à essayer de faire tomber le modèle actuel. Mais donc, il y a pour moi cette idée-là que l'effondrement est dépolitisant, désinvestissant à souhait, et que les investissements que l'effondrement crée sont très souvent en dehors de ce qu'il faut. Oui, planter des carottes, les low-tech, c'est très bien, mais ça ne va pas résoudre le problème du tout, en fait. En soi. C'est pas la stratégie, c'est le but. Et l'effondrement a ça de dire, c'est ce dont je parlais avant, il enlève toute la partie stratégie. Il dit, voilà, ça va s'effondrer un jour, on ne sait pas trop comment... Il y a cet aspect un peu prophétique, je sais que c'est très scientifique, mais il y a un peu cet aspect, on attend la fin du monde. Quand la fin du monde arrive, on veut une société libre, on veut une société égale, on veut une société permaculture, etc. On veut plus jamais ça, le fameux plus jamais ça. Et ça occulte toute la stratégie. Comment on y arrive? Ça va se faire. Il y a des mécanismes qui vont se faire. C'est pas à nous de les provoquer, c'est pas à nous de les choisir, c'est pas à nous d'essayer d'en favoriser un plutôt que l'autre. Nous, on est déjà au but, on est en train de travailler sur le but. Et la réalité est que la stratégie va absolument atomiser le but. Je suis à Bruxelles, dans la... C'est pas la rue de la paix, hein. C'est la maison de la paix. Ouais, la maison de la paix. J'ai en face de moi un gars qui s'appelle Sébastien Kenness, c'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais. Et pourquoi j'ai envie de rencontrer ce bonhomme, Sébastien Kenness? Parce qu'en fait, il est sur tous les coups. Je le vois... En plus, ça fait une conférence gesticulée, mais je l'ai jamais vu, ça, qui s'appelle Radical. En plus, il y avait ça, mais ça... C'est en 2015, quoi. Ouais, on la joue encore un peu, mais on va arrêter. Faut arrêter. Pourquoi? Ça s'arrête à un moment donné? Parce qu'on l'a joué plus de 100 fois, une centaine de fois en Belgique, et que le contexte a évolué, que ce qu'on dit, on est toujours en accord avec ce qu'on dit dans la conf, mais je pense que c'est moins percutant aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ont bougé dans le bon sens. Voilà. Et donc je te vois à la petite foire à Sommel pour défendre une agriculture paysanne, je te vois à l'écologie de combat là, l'espèce de week-end vert-rouge, enfin voilà, je te vois, là je t'ai pas vu mais j'ai entendu que tu étais au festival des solidarités, enfin voilà, tu es un peu sur tous les coups comme ça, sociaux, engagement, militant, c'est juste ce que je dis, mais je sais que tu es aussi éducateur, j'ai vu que tu étais un éducateur à la base, tu peux un peu te présenter? Dire des choses que peut-être j'ai pas dites. Ouais, on reviendra sur le fait d'être sur tous les coups ou pas, parce que je suis pas sur tous les coups. Me présenter, Seb, 35 ans, pur produit de la classe moyenne bruxelloise urbaine. Plein de casquettes. Ça veut dire quoi, ça, le pur produit de la classe? C'est-à-dire, ce que je dis est construit, ce que je vais dire là, ce que je vais échanger avec toi, est construit à partir de... De ce point de vue-là aussi, quoi. Enfin, de quelqu'un qui vient de la classe urbaine moyenne, bruxelloise. Et du coup, voilà, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu associatif, comme travailleur salarié, dans l'associatif militant. En tout cas, c'est comme ça que je le présente, à Rencontre des Continents, qui est mon employeur, du coup, depuis une dizaine d'années, temps plein, comme animateur, formateur, éducateur. Et puis, sous le côté, depuis une dizaine d'années, j'évolue comme tant d'autres dans la sphère, la galaxie altermondialiste, activiste, slash ce que tu veux derrière. Trois petits points, voilà, en quelques mots. Et la question, la première comme ça qui vient, c'est pourquoi? Pourquoi tu as choisi cette option? Pourquoi tu n'as pas choisi, tu vois, d'être dans le business, dans le, je sais pas moi, dans le... Du coup, ça, on en parle un peu dans la con gesticulée. Mais c'est pas un choix, en fait, c'est des choses qui s'imposent petit à petit dans ta life, quoi. Tu prends un chemin et pas un autre. Je pourrais te retourner la question, toi, qu'est-ce qui fait que tu fais de la radio associative et que t'es pas sur Matin Première Voilà. Vas-y, réponds. Et c'est tout à fait intéressant aussi, mais en fait, c'est pas en même temps moi qu'on interview, mais je pourrais te répondre, je pourrais te dire qu'il y a besoin d'avoir comme ça des espaces complètement libres, où il n'y a pas d'enjeu économique, où il y a une parole qui est donnée, un peu brute, sans montage, qui ne sert pas le capital. Enfin voilà, tu vois, il y aurait moyen. Je peux te reposer la question, du coup? Oui, tu peux. Ouais, tu peux. En très raccourci, mon comparse, ami et collègue avec qui on fait la conf, Amaury Gesseling, pour ne pas le citer, parle dans la conf d'injustice vécue / injustice perçue. Et qu'en fait, les injustices, on en vit tous à des échelles diverses. Et en tout cas, on peut tous en percevoir, là aussi, à des échelles diverses, quoi. Et moi, je crois que c'est plutôt un mix d'injustices perçues et peu vécues. par ben voilà, mes affinités, mes amitiés avec des gens qui ont fait que petit à petit, à l'adolescence, tu te construis quand même une vision du monde plutôt qu'une autre en fonction des gens avec qui tu traînes, en fonction de l'éducation que tu as et en fonction des lieux où tu évolues. Et voilà, j'étais plutôt du côté de ceux qui ont vu des injustices à travers mes potes. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait d'un point de vue plus sur le plan des relations nord-sud, internationales, entre la Belgique et le Congo aussi. J'étais pas mal engagé pendant des années sur ces questions de relations belgo-congolaises, quoi, en questionnement. Et de fil en aiguille, bah, j'ai mis un pied dans le monde associatif par ça, par ce biais-là, que j'ai fait des études en animation socio-culturelle et éducation permanente. C'est communication, mais c'est cette option-là en tout cas. Et que ça m'a amené à travailler dans l'asso où je travaille depuis bientôt 12 ans. Et que ça fait partie de mon engagement. Et ça m'a ouvert les yeux ça m'a ouvert sur une lecture du monde. Qui m'a amené à mettre en lien, en relation les choses, en relation les situations d'injustice, d'inégalité, à les relier, et puis du coup à m'y investir aussi, voilà, à des degrés divers et plusieurs assos comme ça. Je suis passé par plusieurs assos dans lesquelles je suis encore militant, voilà, qui m'ont ouvert les yeux là-dessus. On pourrait parler du début des haricots, du CADTM. Bah, qui ne sont que deux exemples parmi d'autres, quoi. Et quoi, du coup, alors, t'es quand même quoi, dans l'associatif, quoi, à fond, t'es à fond dans l'associatif, on peut dire ça comme ça, t'es militant, comment on dit Après, c'est toujours chiant de se définir parce que ça te met dans des cases. Mais tu travailles quand même dans une assos, quoi. La question qui me vient comme ça, c'est, tiens, dans une assos, tu te sens pas un peu à l'étroit, parce qu'il y a des règles, tu peux pas faire ce que tu veux, c'est un peu institutionnel, une association. Je plaisante à moitié quand j'en parle plus dans le milieu anard, entre guillemets. Je dis, bah, je suis le social trait de service, quoi. Mais je plaisante, non, parce que je pense que on a la chance en Belgique, quand même, d'avoir des assos qui sont assez libres, politiquement parlant. On a des marges de manœuvre qu'on n'a pas toujours dans le milieu associatif dans d'autres pays. Donne un exemple pour qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, l'éducation permanente, c'est quand même un truc qui permet de ne pas financer du travail militant sur des idées, mais sur la manière dont on le fait, quoi. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se présenter comme une assoce clairement anticapitaliste, qui promeut des alternatives qui ne vont pas dans le sens du système dominant, et être payé pour ça avec des sous qui viennent de l'État, et que c'est OK. Et qu'on n'a pas de remise en question de nos pouvoirs subsidiants là-dessus, et que c'est un jeu codifié, comme il y en a plein des codes, et qu'on est assez transparent là-dessus. Et par ailleurs, j'ai aussi la chance de travailler dans une petite assoce qui est à taille humaine, et puis du coup aussi on est en autogestion, et du coup on a une certaine liberté, mais qui est lié aussi à nos choix collectifs de la manière dont on fonctionne, quoi. Voilà. Après, j'ai des engagements perso militants sur le côté, et voilà, dans le monde activiste plus, voilà. J'imagine que, enfin, c'est vraiment l'idée que je me fais, mais c'est pas que moi. Je pense que si une asso c'est pas chiante et pas dérangeante, bah oui, elle peut, comment dire, continuer à fonctionner, quoi. Je veux dire, dans quelle mesure, c'est un peu la question aussi, dans quelle mesure ça devient pas un travail, votre association, enfin, tu vois, la routine. Ben oui, parce que est-ce que tu crois vraiment qu'on peut changer les choses par ce biais-là, par exemple? Puisque l'idée, pourquoi j'avais envie de te rencontrer, c'était aussi cette idée-là, c'est-à-dire que toi, Sébastien Kenes, comme tu es beaucoup sur le terrain, à droite, à gauche, dans tout ce milieu-là, je me suis dit que tu avais peut-être des choses intéressantes à nous faire partager. C'est peut-être le moment. Et moi, l'idée comme ça, c'est de me dire, mais tiens, je te vois des fois, pas tout le temps, hein, c'est-à-dire que des fois, je suis pas tout le temps, je vois pas exactement tout ce que tu fais, mais tu bouges pas mal. Est-ce que t'as pas l'impression d'être un peu un peu la routine, quoi, un peu. Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut changer les choses comme ça? Et surtout, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, en fait? Il y a plusieurs questions, mais je vais d'abord répondre à la première. Non, Je crois pas qu'on change les choses que comme ça. Je pense que c'est une manière à côté d'autres manières de faire bouger les lignes. Moi, j'aime bien ce terme-là, faire bouger les lignes, quoi. Et oui, je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde associatif institutionnalisé, financé, où on fait bouger les lignes. Mais ça ne suffit pas, clairement. C'est pour ça qu'à côté, je suis aussi militant, activiste, que je fais la désobéissance civile. Voilà, parce que je pense que ça fait aussi partie de la manière dont on transforme radicalement le système. Et ça fait partie, à côté aussi, des gens qui inventent d'autres manières de faire, sans les institutions, sans l'État, sans... voilà. Donc je pense que c'est une combinaison de ça, en fait. Et je trouve qu'on passe trop de temps, même s'il faut le faire aussi, à chicaner entre nous sur ce qui nous divise, alors qu'il y a pas mal de choses qui nous rassemblent. Et forcément, on peut en débattre politiquement, mais voilà, moi je pense que parce que c'est à côté les unes des autres qu'il y a ça, qu'on arrive à faire bouger davantage les lignes par rapport aux urgences, même si il faut continuer à se prendre la tête sur est-ce qu'on fait pas trop d'associatifs et pas assez d'inventer d'autres choses, voilà. Mais ça, c'est des débats, quoi. Moi, en tout cas, si je suis là depuis 12 ans dans une assoc comme celle où je bosse, et dans d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui font plein de choix de boulot, c'est parce que ça a du sens, quoi. Si ça n'avait plus de sens, moi, je me casserais, en fait. Voilà. Donc... Ça a du sens parce que tu penses que c'est une manière de faire bouger les lignes, comme tu dis. Ouais, bien sûr, ouais. De faire bouger les lignes, de... Et comment tu la vois bouger, cette ligne ? Je la vois bouger dans le sens où qu'il y a plus de monde que dans mes modestes 10-15 ans d'engagement qui se pose, alors c'est pas que forcément, je veux dire, les bonnes questions, ça veut dire quoi les bonnes questions, qui en tout cas remet en cause de manière beaucoup plus profonde, d'où le mot radical, les fondamentaux, les causes de la situation dans lequel on est, le « on » collectif, quoi, et que j'en vois beaucoup plus qu'avant, qui ont une lecture beaucoup moins linéaire de cause à effet de ce qui nous a mis dedans, mais qui ont une vision beaucoup plus... complète, complexe de la société actuelle, quoi. Et ça, ça me réjouit parce que c'est ça dont on manque, en fait. On manque de personnes qui perçoivent le monde différemment que ce qu'on nous a mis dans la tête depuis quelques dizaines d'années. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Alors, faire bouger les lignes, c'est-à-dire que des assos, des institutions, des collectifs, des gens ne voient plus le monde de la même manière qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Prennent la mesure de ce qui est en train de se passer d'un point de vue social, écologique et du coup tentent à leur manière, là où ils sont, avec plus ou moins de privilèges, de faire bouger aussi leur ligne. Et ça bouge, en tout cas, même si on regarde de manière plus globale, avec une analyse très très méta, les choses ne vont pas dans le bon sens, quoi. Mais malgré ça, il y a plein de bonnes raisons aussi de... Alors, je dirais pas de se réjouir, mais d'être content, de voir qu'en fait, il y a plus d'alternatives aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a plus de gens qui remettent en question le système dominant capitaliste qu'il y a 10 ans, que les assos ont moins de problèmes à remettre en question ce système-là vis-à-vis de leur pouvoir public, que des grosses structures bien, bien lourdes parfois, et on pourra peut-être en parler après, notamment sur les questions des lignes syndicales, commencent timidement à se rendre compte qu'ils ne sont pas le centre du monde et des mouvements sociaux et qu'il y a d'autres manières de faire. Donc oui, ça bouge lentement, pas assez vite. Mais voilà, et donc moi, c'est une des raisons qui fait que... C'est ce que j'appelle faire bouger les lignes. Voilà. Oui, on est là à l'époque, en 2019, bientôt 2020, dans une ambiance qui commence à chauffer de plus en plus, quoi. On sent ça, c'est un peu l'air du temps. C'est un peu, d'ailleurs, ouais. Même on pourrait basculer un peu en disant, je sais pas comment tu vas le voir, la mode. La mode de la rébellion. Quoi. C'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, on devient des vieux cons. Et il y a 15-20 ans, les gens disaient pareil. Ouais. Enfin, je veux dire, en 68, ils disaient pareil, à mon avis, quoi, quand ils étaient sur les barricades. Ouais. Donc ça se renouvelle aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit pareil ? Perdu un peu le fil. Non, ils étaient en mode, même ce que tu disais. T'as pas l'impression qu'on est dans un moment... Je dis oui, mais je pense qu'il y a 40 ans, il disait pareil. Ouais, on est dans un moment... Voilà. Après, pour moi, il y a une donne qui a changé et qui a changé mon point de vue, C'est la question écologique, quoi. Ce qui n'était pas présente, je pense. Et même quand tu parles aux gens qui ont fait 68, qui ont aujourd'hui 60 balais, qui sont dans nos mouvements, elle n'était pas aussi présente, quoi. Ce que disaient les premiers écologistes il y a 30 ans, ben voilà, c'était pas aussi présent il y a 15 ans, quoi. Or, aujourd'hui, c'est là, quoi. C'est là, et donc, pour moi, ça change la donne. En termes de vision du monde, justement, ça change la donne. On n'a pas des ressources infinies. Si on défonce la planète et qu'on exploite les peuples, c'est pour des raisons notamment liées à un paradigme qui voit les choses avec aussi une donne écologique. Et ça, pour moi, c'est une différence, quoi. Voilà. C'est incroyable, d'ailleurs, parce que ça, c'est arrivé comme ça, je sais pas si t'es d'accord avec cette idée. L'écologie, quoi, elle est arrivée boum comme ça d'un coup. Elle était déjà là, c'est juste qu'en fait. Oui, mais là maintenant, vraiment, ça prend une ampleur super forte, quoi. Non, disons qu'il y a un mouvement qui s'appelle lui-même le mouvement climat en Belgique et un peu en France et ailleurs dans le monde qui monte, quoi, parce que les gens prennent un peu plus la mesure de. Mais ils montent pour des tas de raisons très différentes aussi. Hein. On pourrait en parler. Quel mouvement climat, quel est son visage? Un gars qu'on avait invité il y a quelques mois, Thierry Amougou, disait le mouvement, c'était pas trash, mais c'était fort comme expression. Le mouvement climat, il a une race, il a une couleur. Donc il faut travailler là-dessus, quoi. Donc effectivement, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais effectivement, ça monte parce que plus personne ne peut nier le réchauffement climatique, quoi. Oui, ça c'est sûr. Les climato-sceptiques, mais n'en parlons même pas. Voilà, c'est là. Dès que tu sois paysan, agriculteur, tu habites dans un pays du sud, du nord, c'est là. Donc en fait, oui, ça c'est nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le travaille? Ça, par contre, il y a encore une heure d'émission à faire là-dessus. Mais ouais. Ça se fait, ça se discute à plein d'endroits. Une heure, c'est gentil, une heure. Ouais, mais ça se discute à plein d'endroits, mais voilà. Mais par exemple, la Thunberg, tu la vois comment? Parce qu'elle elle soulève aussi pas mal de tensions les uns avec les autres. C'est quoi cette histoire? Tu traduis ça comment? D'abord, moi, je suis pas trop l'actualité de Greta Thunberg, de loin, quoi. Je vois passer ça sur les médias mainstream et un peu dans les médias associatifs, mais sans plus. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui suit les... Enfin, je m'en fous des querelles sur des icônes à travers les médias. Ça me saoule, en fait. J'ai pas le temps de lire tous ces trucs-là, donc en fait, j'ai pas de point de vue. Mais elle est là, hein, je veux dire, elle est dans les médias, non, elle fait son show. Voilà, je pense que je dis pas que c'est bien, je pense qu'il faut s'en détacher de ce que je veux dire, mais je pense que malheureusement, les mouvements sociaux, la société civile dans sa grande diversité, a parfois besoin d'icônes. Et moi, je suis pour qu'on se détache de cette question des icônes. C'est pas négatif non plus, quoi. Elle fait bouger les lignes à sa manière, quoi. Après, ce que les médias en font, est-ce qu'elle est prisonnière d'un truc médiatique ou quoi, j'en sais vraiment que dalle. Je sais qu'il y a des articles sur d'où elle vient, machin. Enfin, du coup, là, je trouve qu'on perd du temps quand on commence à rentrer dans ces bazars-là. Voilà, elle fait ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait bouger des lignes là où elle le souhaite. Ouais, tant mieux, quoi. Je vais pas lui jeter la pierre, quoi. Maintenant, les débats autour, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. On dit qu'elle prépare le capitalisme vert. Ça te raconte quoi, ça? J'en sais rien. Je te dis, je la connais pas, donc Mais le capitalisme vert, ça te fait penser à quoi? Oui, il y a plein d'endroits où on le prépare. Enfin, on le prépare pas. Il est là, le capitalisme vert, quoi. Ça fait 10 ans qu'il est là et que les multinationales verdissent leur discours et même les institutions. Donc, il est là, le capitalisme vert. Mais comme on est à l'ère de l'écologie et que tout le monde prend conscience et que ça prend la parole mainstream des médias dominants et compagnie, on peut se dire que ça peut marcher encore mieux, le capitalisme vert. On peut créer une nouvelle... J'invite à lire le bouquin de Tanuro sur l'impossible capitalisme vert, qui a reçu un prix 2014, je pense... d'une grosse organisation belge qui n'est autre que Inter-Environnement Wallonie, dont la nouvelle ministre de l'Environnement est l'ancienne secrétaire générale. Donc c'était pas la même personne à l'époque, mais donc dire un peu quand même que c'est une institution. Et ils ont primé ce bouquin sur l'impossible capitalisme vert, 2014, je pense. Donc c'est pas nouveau. On sait que c'est un piège, c'est un leurre, quoi. Maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dans les mouvements sociaux, dans la société civile institutionnalisée, qui ont conscience de ça et qui essayent du coup d'apprendre à voir les choses différemment. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre boulot d'éducation, quoi. C'est de ne pas dire aux gens comment ils doivent penser, c'est de ne pas penser les solutions à leur place, c'est d'apprendre à penser différemment avec eux. Et notamment, à voir différemment la société telle qu'elle est, pour construire celle telle qu'on la voudrait et telle qu'on la souhaiterait. Et donc voilà, et donc c'est aussi apprendre justement à ne pas tomber dans les mirages, en fait, dans les fausses solutions, dans le greenwashing. Ouais. Mais tu veux que je te dise quoi, qu'il y a un risque à ce que toute cette... Ben oui, bien sûr. Je veux pas que tu me dises quelque chose. Non, moi, j'écoute vraiment ton expérience, ton savoir-faire de ton militantisme, de ton associatif. D'abord, je pense qu'on n'a pas... quiconque se prétend avoir la vérité et avoir la solution ou avoir la vraie. Non, mais il n'y a personne qui dit ça ici. Hein. On partage les idées, quoi. Tu vois, on partage les idées. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut faire, c'est essayer des choses, quoi, en faisant gaffe à la lecture qu'on a, mais notamment des solutions ou des fausses solutions. Mais là, ça devient trop flou, trop vague. Tu parles de quoi précisément? Par exemple, je me dis. Ok, les questions énergétiques, par exemple, ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Ou prenons un truc que je suis plus même dans mon taf, l'alimentation. Bah, aujourd'hui, les multinationales nous inventent plein de fausses solutions sur comment est-ce que les technologies vertes vont sauver la planète, l'agriculture et renourrir les sols et permettre aux agriculteurs de bosser moins pour avoir plus de machines, plus de drones, de technologies et de mettre mieux d'engrais à tel endroit. Voilà, c'est des fausses solutions, quoi. C'est notre rôle de les décoder, d'apprendre à les décoder collectivement et à montrer qu'en fait, ce ne sont pas des solutions, quoi, et qu'il y a d'autres gens qui inventent d'autres choses à d'autres endroits. Et donc ça, effectivement, c'est un risque. Et ça vaut sur tout le reste. Ça vaut sur l'énergie, ça vaut sur la mobilité, ça vaut... Et donc voilà, donc tous les gens qui inventent autre chose hors de ce paradigme-là, de ce paradigme-ci, qui est aujourd'hui ultra-capitalisme néolibéral, blablabla, ben moi je trouve que c'est bon à prendre, tous ceux qui inventent d'autres choses et tous ceux qui sont surtout en permanence alertes face au discours, quoi. Et donc on a besoin d'autres récits, on a besoin d'inventer d'autres histoires, de reconstruire de nouvelles histoires, de se raconter des autres histoires aussi à nous-mêmes, pour pas tomber dans les pièges, quoi, que sont les fausses solutions, et que même si on met des panneaux solaires partout en Belgique avec des éoliennes, que même ça ne suffira pas à satisfaire nos besoins en énergie, donc il faudra consommer moins. Et donc voilà, ça c'est quelque part ce qu'on voudrait que plus de gens pensent, mais on ne va pas le faire à leur place, donc il faut qu'eux-mêmes se construisent un discours, une vision du monde, des clés de lecture pour mieux le comprendre et pour mieux agir. J'entends bien tout ce que tu dis, Sébastien, Kenes. Non, mais je veux dire, quand tu parles des gens, ça fait comme si, là, tu abordes les gens, mais les gens, c'est une masse de... Et comme tu parlais au début, quand tu te présentais, ça dépend de quelle classe sociale, d'où on vient, etc. Waouh, c'est balèze, quoi. Non, en fait, faut partir de là où les gens vivent, de là où ils se sont construits une vision du monde, quoi. Qu'il soit dans un quartier populaire, dans une baraque 4 façades, à la campagne, à la ville, c'est ça les gens, enfin, c'est toi, c'est moi, c'est pour ça que je disais d'emblée que même ce que je raconte là est construit et situé socialement, culturellement parlant, et que ce que je dis là, quelqu'un d'autre n'aura, enfin, qui est dans le même mouvement que moi ou dans le même truc, aura peut-être une perception différente à partir de sa situation, quoi. C'est juste ça, et donc tenir compte de ça en permanence, quoi, se rendre compte qu'on ne voit pas le monde de la même manière, quoi. Non, mais c'est ça qui est complexe, quoi. C'est entre... Je reviens d'une réunion, on se prend la tête pour faire une formation sur la complexité, quoi. Et en fait, on vient de la triturer, on vient de dire, on va pas faire ça. Et personne s'inscrit, en fait. Personne, il y a un inscrit. Et t'es là, bizarre, ouais, mais en fait, c'est trop compliqué pour les gens, c'est trop complexe. Pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre taf, en fait, c'est d'amener la complexité, quoi. Se rendre compte que c'est complexe aujourd'hui. Et en fait, ce que nous vantent les multinationales et leurs fausses solutions, c'est pas complexe, c'est facile, quoi. Mais c'est des emplates sur des jambes de bois, quoi. Et leurs fausses solutions, de quoi tu parles quand tu dis leurs fausses solutions? Je parle des OGM, des technologies vertes, des agrocarburants, de tout ça, quoi. On va continuer à remplir les bagnoles avec de la bouffe. On va continuer à faire de l'énergie en exploitant plus de minerais pour fabriquer des champs à perte de vue de panneaux solaires. Voilà. Oui, c'est le bon mot, hein, c'est complexe, mais si j'ai bien... Parce que tu vois, il faut tenir la route, hein, mais moi, C'est que on partirait de l'idée alors que les gens, si les gens sont les partants gens, pour changer... Les gens, disons des personnes là où elles sont situées, quoi. Oui, mais t'imagines s'il faut attendre que les gens soient tous au même moment, avec la même conscience pour changer les choses. Tu crois que ça va se... Tu crois que c'est possible, ça? Non, mais j'ai pas dit ça. Ah, voilà. C'est toi qui le dis, moi j'ai pas dit ça. Je pensais qu'au fur et à mesure de notre discussion, t'arrivais à dire, oui, mais il faut que les gens prennent conscience eux-mêmes, qu'on soit pas là pour, à leur dire à leur place, tu disais. Non, bon, donc, ça n'existe pas, les gens. Je parle de personnes qui seront situées à des endroits. Et je pense que là où on a l'occasion de vivre avec des personnes qui sont dans des situations précises, qu'on peut travailler avec eux, réfléchir avec eux, construire avec eux, lutter avec eux, vivre avec eux sur les questions dont on parle depuis 30 minutes, on peut transformer des choses. Ça, c'est un peu ton job, quoi. Oui. De faire avec les gens, tu vois. Mais plein d'autres gens aussi. Mais c'est ça qui transforme les choses. Il n'y a pas un jour, ceux qui croient encore que demain il y aura la révolution, moi j'y crois pas, j'y crois plus, ça m'intéresse pas, faut pas en parler, faut la faire, quoi. Quand je dis la faire, c'est dans des situations, quoi. C'est pas une question de est-ce qu'il faut être 200 000, 300 000, oui, il y a des questions stratégiques là derrière, ça fait bouger des lignes si on est plus à tel endroit, à tel moment, mais c'est pas que ça, c'est plus complexe, quoi. Les choses se transforment, les situations se transforment quand les gens reprennent en main du pouvoir sur leur vie et sur ce qui les entoure et sur ce qui les oppresse pour se libérer. Je pense qu'une partie du monde associatif qui fait de l'éducation aide à ça. On est quelque part des facilitateurs de ce truc-là, mais on ne le fera pas à la place des gens, là où ils sont. Je pense qu'il y a des gens qui le font en dehors du milieu associatif directement. Par l'action directe. L'action directe, c'est aussi bien faire des occupations que lancer des potagers collectifs, que occuper des squats, que faire des habitats groupés, qu'inventer des coopératives, que voilà. Ouais, voilà. Peut-être pour parler encore de complexité. C'est trop drôle. Non, mais, quand les gens, ils en ont ras-le-bol, ils sont dans la rue aussi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut parler de complexité, oui, mais à un moment donné, je pense aux Gilets jaunes l'année 2018, là, surtout en France. En 2019 aussi, hein. Oui, en 2019, mais ça a démarré en 2018. Ouais. J'ai plus suivi en France parce que ça a fait vraiment un gros bazar, hein, mais oui, quand les gens en ont ras-le-bol, ça y est, ils sont de retour la rue, quoi. Ouais. En même temps, on parle de complexité, et en même temps, c'est pas très compliqué de comprendre que les gens n'en peuvent plus, quoi. Oui. Donc il y a ça qui relie aussi, quand on parlait des gens, il y a aussi ça. C'est un truc très basique, c'est pas très complexe. Oui, le rapport de force se construit aussi dans la rue, clairement. Mais pas que, je pense, de nouveau, quoi. Il y a plein de gens pour qui c'est pas possible d'aller dans la rue. Il y a des gens qui sont tenus par des problèmes qui les empêchent d'aller dans la rue. Et donc c'est une forme de privilège aussi que de pouvoir se mettre dans la rue, même s'il faudrait qu'il y en ait plus des gens qui aillent dans la rue. Un privilège, mais arrête de penser à quoi. Les gens qui taffent en plein, qui peuvent pas aller aux manifs, qui sont aliénés par leur travail parce qu'ils ont des gosses à nourrir, ils ont pas. C'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir avoir du temps. Ouais, c'est un privilège de prendre une heure là comme ça de causer du monde et rien. C'est un privilège. Ouais, ou alors t'es vachement victime du système aussi et t'es bouffé par la machine parce que, en parallèle, on pourrait prendre le mec qui vit dans la rue, c'est pas vraiment un privilège de vivre dans la rue. Enfin, tu vois, faut faire gaffe de quoi on parle. Là, je parle de prendre du temps de prendre de son temps personnel pour transformer, que tu sois à prendre du temps pour aller dans la rue battre le pavé, que tu sois de prendre du temps pour inventer d'autres mondes. C'est un privilège d'avoir du temps payé pour réfléchir avec les gens, essayer de construire, discuter avec des personnes sur ces trucs-là. C'est pas tout le monde, effectivement. Comme beaucoup de gens sont victimes, entre guillemets, comme tu le dis, du système, ils n'ont pas l'espace-temps et ils n'en sont pas moins alertes, malgré tout. C'est juste qu'ils n'ont pas nos espaces de liberté pour pouvoir faire ce qu'on est occupé à faire, par exemple. Oui, enfin là, tu amènes une autre discussion qui demanderait du temps, mais j'ai envie de revenir sur cette idée. Un jour, il y avait un espèce de week-end qui s'appelait Rouge-Vert, le week-end, tu dis ? Pour une écologie de combat. Voilà, et à ce moment-là, il y avait évidemment des ateliers, et puis des séances aussi où tout le monde était, ça s'appelle, on dit des séances plénières, c'est ça hein ? Des séances plénières, ouais. Où tout le monde est rassemblé là, il y a plein de gens. Et entre autres, toi, tu étais là, moi, j'étais là, il y avait un public, enfin voilà, il y avait plein de gens. Et il y avait un gars de la FGTB, secrétaire fédéral de la centrale générale, qui était là et qui tenait un discours complètement libéral, ultra-libéral. Enfin, le discours, ça, c'est mon point de vue, hein. Après, je te donne le micro. Ouais. Je trouvais qu'il tenait un discours, on aurait dit Charles Michel, quoi. Enfin, voilà. Je trouvais ça, moi, étonnant, parce que j'ai pas l'habitude de me retrouver dans des endroits comme ça. Je trouvais ça étonnant qu'un endroit rouge-vert, où tu sais, tu te dis que tu vas te rencontrer des gens pour... Oui, une écologie de combat, tu vois. Tu vois un mec comme ça qui tenait un discours, voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai donné mon avis. Et toi, tu as aussi donné le tien et tu as dit que c'était bien qu'il y ait aussi cette parole-là, qu'il y ait ce bonhomme-là, quoi, ouais. Tu vois. Et moi, j'avais envie de te poser la question. Est-ce que tu ne crois pas qu'on a besoin justement d'un discours aujourd'hui, surtout quand les gens se retrouvent à cet endroit-là, quoi, hein, secrétaire fédéral à MGTB, c'est pas rien quand même, d'avoir un discours vachement, tu sais, bien éveillé sur les enjeux, et que c'est peut-être ça qui manque aussi des fois, quoi, tu vois. Je partage ce que tu dis. Une partie. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il avait un discours libéral. De mon point de vue, il avait un discours classique, réformiste, mainstream des syndicats aujourd'hui, qui sont ce qu'ils sont, qui ont aussi une histoire construite depuis plus d'un siècle, socialement parlant, et qu'il y a quand même une prise de conscience, je pense, même dans l'appareil, dans l'apparatchik syndical, même au plus haut niveau, de la situation et de la teneur importante de la situation sur tous les plans social, écologique, humain, économique et autres, quoi. Et qu'il faut d'abord avoir ça en tête, je pense, avant juste de donner son point de vue sur quelques discours syndicaux qui soient. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, les syndicats, mais comme d'autres grosses institutions qui se sont construites sur les mouvements sociaux d'il y a un siècle, ça vaut dans le monde associatif et dans le monde des ONG ou des grosses associations d'éducation permanente, elles sont construites structurellement à partir de ça, quoi. Et donc, elles en sont aujourd'hui à avoir une prise de conscience où le monde, il a bougé. Les clivages ne sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle. Que les clivages gauche-droite, machin, sont en train de bouger aussi. Que la donne écologique s'est invitée dans tout ça. Et qu'ils sont quelque part les tampons du système, entre un système de... Tampons hygiéniques ? Non, ils sont coincés, en fait. Ils sont coincés, et ils le savent. Et ils le savent. Et du coup, ils sont en train de gérer la merde, pardonne-moi du mot, ils sont en train de gérer l'héritage d'un siècle et demi de capitalisme débridé, néolibéral, machin, qui s'est imposé partout sur la planète. Ils sont en train de gérer les conséquences, surtout sociales, de ça. Et vient s'inviter la question écologique, des nouvelles formes de mouvements sociaux qui s'imposent, qui ont d'autres visions du monde, d'autres discours, plus radicales. Et ils aimeraient aller vers ça, mais structurellement, ils sont coincés, quoi. Ils font partie du système, quoi. Et donc, oui. Donc, j'ai pris une longue digression pour dire. Donc, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a besoin d'autres discours. Mais en même temps, le fait que des personnes viennent... Alors là, c'est en son nom propre qu'il est venu, hein. Mais qui sont à ce niveau-là, se mettre en débat dans des espaces où on porte des réflexions plus radicales, moi je pense que c'est important. C'est important parce que c'est ça qui les fait bouger. C'est ça qui les fait bouger. C'est aussi les marches climat, machin, mais c'est aussi quand ils viennent dans des espaces comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'il y aura une poignée de gauchos écolos plus radicaux devant lui, quoi. Et c'est ça que je soulignais juste. C'était que vu l'histoire sociale, vu l'importance des syndicats dans notre pays, que je préfère qu'on puisse parler avec ces personnes-là s'ils sont prêts aussi à entendre, par exemple, ce qu'on évoque là, quoi. Et quand il vient dans un débat comme ça, une discussion comme ça, je pense qu'il est prêt à entendre. Et donc, voilà. Mais oui, c'est réformiste, quoi. Or, on a besoin aussi, à côté des gens qui font là où ils peuvent uniquement des réformes, effectivement, on a besoin de mouvements, de groupes, de discours beaucoup plus radicaux. De nouveau, moi, j'ai pas envie de les opposer, quoi. J'ai envie de les compléter, quoi. Parce que qui sait ce qu'il faut aujourd'hui pour qui a la solution. Je reviens à ça quand même. Il faut essayer, quoi. Et oui, je pense qu'il faut beaucoup plus de discours radical, beaucoup plus de mouvements radicaux, beaucoup plus de voix radicales dans le mouvement social, dans les syndicats, dans les grosses associations d'éducation permanente. Et quand je dis radical, ça veut dire qu'ils prennent les choses à la teneur de ce qui est en train de se passer et qu'ils vont à la racine des choses. Mais qui aussi construisent derrière d'autres récits, de nouveau, avec des gens dans des situations, quoi. Mmh. Et pour ça, les syndicats sont pour moi des alliés avec qui on doit travailler ces questions-là, quoi. Et pas juste dire vous êtes une bande de social traite à la solde du grand capital. C'est faux, il y a plein de gens qui font bouger les lignes. Ils sont juste coincés structurellement parlant. Et je pense qu'ils reconnaissent ça. Voilà. Ok. Mais tu dis. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, c'est, j'entends bien. Et j'aime bien cette dynamique que tu influes comme ça, de dire il faut faire les uns avec les autres. Moi, j'aime bien ça. Parce que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est chouette, mais en même temps, est-ce que. Il faut savoir faire avec, il faut savoir être contre aussi. Est-ce qu'on perd. J'ai envie de dire, est-ce qu'on perd pas aussi notre temps à discutailler avec des gens qui, en fait, entretiennent la machine, quoi, au bout du bout. Parce que regarde tout ce qui. Enfin, je vais pas énumérer tout ce qui s'est passé dans l'histoire et dans le temps, là. Mais les gens en ont ras-le-bol, vraiment, quoi. Tu vois, les. Si, je suis d'accord avec toi. Faut qu'on fasse gaffe à pas trop pinailler, quoi. C'est compliqué, hein, de savoir où on met notre temps, où on met notre énergie. Il faut de la justesse, quoi. Et en fait, tout ça, c'est des questions stratégiques. Je pense que c'est pas figé non plus. Je pense que par moment, il y a des moments et sur des situations, sur des combats où il faut être, faut arrêter de causer, quoi. Faut agir, faut être radical, quoi. Voilà, l'exemple qui parle à beaucoup de monde, qui a nourri beaucoup de monde ces dernières années. En tout cas, dans la partie occidentale de l'Europe, c'est des mouvements, enfin des endroits comme Notre-Dame-des-Landes, où là, c'est bon, on arrête de pinailler, on y va, on agit directement, boum, on occupe et on réagit, quoi. Et derrière, il y a un mouvement aussi associatif qui a soutenu, quoi. Mais c'est pas les mouvements associatifs qui ont fait que ça a gagné à Notre-Dame-des-Landes. C'est l'action directe, c'est l'occupation. Mais c'est une stratégie. C'était une stratégie de dire à cet endroit-là, bim, on lâche pas, quoi. Mais je pense pas que ça se vaut sur tous les combats, à tous les moments. Même si je pense qu'on a beaucoup plus besoin de ça aujourd'hui pour faire bouger les lignes, comme je dis. Mais de ça, tu parles de quoi ? Parce que Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, il s'est pas fait. Mais après, je veux dire, tous les gens qui habitent, qui ont développé toute une alternative sur la zone, là. Là, c'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est quoi que tu dis, on a besoin d'exemples comme ça, quoi, de parce que l'année dernière, là, 3000 CRS sont venus tout démolir, etc. Ouais, je parlais de avant qu'il y ait les expulsions. Je parle de la situation d'avant, quoi. C'est-à-dire, on a besoin de radicalité dans les combats aujourd'hui. Ça veut dire de prendre les choses à leur teneur, comme je l'ai dit plusieurs fois, à la racine, et de dire là-dessus. C'est pas on lâche rien, c'est on lâche pas, quoi. C'est non, on occupe, on bloque, et s'il faut se défendre, on se défend, quoi. Je pense que ça nourrit, c'est très fort, quoi. Ça donne de l'énergie, et c'est essayer quelque chose, quoi. C'est concret, c'est physique, il y a de la matière derrière, il y a des situations, il y a des lieux de vie. Et donc ça, oui, on en a besoin beaucoup plus, quoi, beaucoup plus, quoi. Mais de nouveau, c'est pas donné à tout le monde de lâcher sa life pour aller occuper. Mais donc on en a besoin à plein d'endroits, quoi. Voilà. En tout cas, moi, quand tu me parles de Notre-Dame-des-Landes, ça fait référence à de me dire, mais tiens, un autre monde est possible. Je sais que la phrase est bidon, hein, mais on s'en fout des phrases toutes faites. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent à créer autre chose et c'est possible, quoi. Voilà. Et en plus, c'est des punks, c'est des gens qui font des moutons, il y a des gens. Enfin, c'est génial, la diversité, même des gens du lieu. Mais moi, j'ai envie d'idéaliser cet endroit. Même des gens du lieu qui n'ont pas voulu se barrer, enfin, tu vois, des fermiers avec leurs vaches. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vivait là, d'accord ? Après, il y a le gouvernement Macron et compagnie qui a envoyé 3000 CRS pour démolir cet endroit. C'était des gardes mobiles, c'est l'armée en France. C'est pas la CRS, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais donc ça montre aussi la dangerosité qu'un autre monde se fait. Ah ben oui. Non, mais ça, je trouve quand même dingue. Dans notre monde aujourd'hui, que des gens installent une autre manière de faire, comme ça, sur un espace à Notre-Dame-des-Landes, soit démoli parce que c'est hyper dangereux. Ça, c'est quand même dingue. J'avais envie. Non, mais c'est dingue, ça. Attends, pour un État français centralisé, macroniste et autres, c'est dingue. Mais non, c'est pas dingue. Je veux dire, ils veulent pas se laisser s'installer des espaces de liberté sur lesquels ils n'ont pas prise. C'est tout. Et donc, en fait, mais c'est génial que l'expérience se tente, quoi. Ait été tentée, même s'il y a eu de la répression après des expulsions et que l'État a montré son vrai visage, celui de la répression d'État, quoi. Mais c'est pas étonnant qu'il n'ait pas voulu lâcher l'État non plus. Mais je trouve ça énorme que des personnes aient essayé, et essayent encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la composition, jusqu'où est-ce qu'on compose, de nouveau, c'est de la stratégie avec l'État. Voilà, les gens, ils ont essayé un truc, quoi. Ça a en partie marché. En tout cas, si certaines disent que ça n'a pas marché, en tout cas, ça a renourri, je pense, toute une série de mouvements, de groupes, de collectifs et d'associations plus institutionnalisées, quoi. Bon, on arrive à la fin, Sébastien. Magnifique. Il reste, allez, 5-6 minutes pour dire l'essentiel. Moi, je vais pas dire l'essentiel. Attends, mais il n'y a pas d'essentiel. J'avais envie de rajouter aussi sur cette idée de... Attends. OK, tu dis qu'il faut des actions concrètes. Je dis aussi qu'il faut des actions concrètes. Il y en a marre du blabla. On était un peu là dans la discussion. Mais OK, mais je veux dire, les gens, par exemple, je sais qu'en France, c'est beaucoup comme ça. Les gens vont manifester, simplement manifester. Ils reviennent avec un œil pété, avec une main en moins. J'ai entendu des témoignages de gens qui n'iront plus jamais manifester parce qu'on leur a foutu la trouille. On leur a fait vivre un sale quart d'heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est dans cette réalité-là, tu vois, où on a envie de changer le monde, là. On a envie de changer les choses. On voit que Notre-Dame-de-Landes, c'est possible. Mais en fait, ça ne se fera pas comme ça. Il ne faut pas croire que c'est gagné comme ça. Donc, c'est compliqué quand même, tout ça. Hein. Non, mais peut-être que, tu vois, à un moment donné... On est là à faire des grands blablabla, mais en fait, il suffit de sentir à un moment que les gens en ont ras-le-bol, ils n'ont plus rien à perdre et ils sont dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Tu le dis toi-même, ça ne suffit pas. Tu viens de le dire. Il y a la répression après, mais pas de la répression pour rigoler, hein, vraiment. Je veux dire... Moi, je me pose deux fois la question, si je dois aller dans une manif aujourd'hui en France, j'y vais pas, parce que j'ai une fille, que j'ai une famille. Donc oui, bien sûr, mais oui, la répression, ça marche, tout le monde le sait, la répression, ça marche. Pas tout le temps, mais ça peut marcher aussi, et ça peut faire mal. Et donc oui, c'est complexe, c'est pas simple, quoi. Il suffit pas de... Et les gens qui aujourd'hui ont en France pris la rue et fait face, prennent des risques, parce qu'effectivement, ils n'en peuvent plus. Et de nouveau, effectivement, il y a deux, quoi. Je pense que... De type de situation, quoi. Soit tu as le ou les privilèges de pouvoir t'engager, prendre du temps, voilà. Soit, en fait, le peu que tu avais de privilèges, on te les a pris, on continue à te les prendre. Ce qui se passe en France sur les gilets jaunes, il fait que t'en peux plus et t'y vas, quoi. Je pense qu'il y a des privilèges, c'est OK, c'est normal qu'on les ait. Je pense qu'il y en a, c'est pas du tout OK, et qu'on doit se défaire aussi de certains de nos privilèges, quoi. Ouais, ce mot privilège, là, je suis un peu paumée, parce que d'habitude, on ne l'utilise pas à cet endroit-là, quoi, des privilèges. Tu dis ? C'est-à-dire ? Ouais, j'ai perdu un peu le fil, justement. Je disais juste, les personnes qui aujourd'hui peuvent prendre du temps pour occuper une rue, occuper un rond-point, créer une coopérative, mais faire quoi, tout tu ça... Tu trouves que ça, c'est du privilège ? Mais par rapport aux gens qui n'ont pas cette opportunité-là, parce qu'ils sont victimes du système, comme tu le disais tantôt. Oui, mais les autres aussi sont victimes. Je veux dire, ceux qui traînent autour des ronds-points. C'est ce que je dis. Donc, soit tu as la possibilité de prendre du temps là-dessus, soit, en fait, ce que tu avais d'un minimum de conditions de vie décentes, on te le prend. Ce qui se passe avec les gilets jaunes, sur les taxes carburant, machin. On prend ta capacité de te mouvoir dans l'espace avec ta bagnole. Hein, et du coup, tu n'en peux plus. Et du coup, tu vas dans la rue, quoi. Donc je dis, c'est deux manières d'y arriver, quoi. Injustice vécue, injustice perçue, quoi. Soit tu perçois les injustices, les inégalités, tu luttes contre, parce que tu les perçois, soit tu les ressens dans ta chair et tu luttes contre aussi. Tu arrives au même résultat, mais je dis les portes, les moyens d'y arriver ne sont pas les mêmes. Il faut juste en être conscient. C'est pas qu'il y en a un mieux que l'autre ou quoi. Il faut être conscient que ça se joue là aussi. Quoi. Et donc la discussion qu'on a là maintenant, la conclusion, parce qu'il faut trop, parce qu'il y a bien un moment donné, il faut s'arrêter de parler, mais sur l'idée de, tiens, toi, Sébastien Kenes, qui est sur le terrain, qui a... Tu dis ? J'aime pas quand tu dis mon nom en entier. Sébastien. Seb. Merci. C'est parce qu'on se connaît pas, écoute, moi j'ose pas. Hein. Seb... Si t'es partout aussi, je te vois partout, donc on se connaît au moins de vue. Seb, de toi, t'es... Bah, donc l'idée que t'auras envie de faire partager, c'est de dire... qu'au fond, il faut faire les uns avec les autres, en gros. Si je retiens un peu de tout ce qu'on a discuté là, on est obligé de faire avec les gens des syndicats. Non, pas avec tout le monde. Chacun choisit avec qui il a envie d'avancer. Ah, mais oui, mais ça d'office, chacun a envie, choisit. Mais je veux dire, ce qui est intéressant dans ta vision, c'est aussi de dire la FGTB, parce que je prends un exemple de FGTB, on pourrait prendre un autre syndicat, mais c'est pas tous des traîtres et des salauds. C'est ça, en fait, que tu dis, les écolos, c'est pas... Enfin... Non, mais je l'ai dit, je pense que à toute situation, à toute lutte, à tout combat, sa stratégie, son moment donné, et voilà, et tout ne se vaut pas en temps et en dimension, quoi. Ça va dépendre, quoi. Il y a des moments où, oui, il faut parler avec, il y a des moments où il faut plus parler, il faut agir contre. Nous, on appelle ça le pilier avec, sans, contre, quoi. Des fois, il faut faire avec, des fois, il faut faire contre, des fois, il faut faire sans, quoi. Et sans ce qui nous opprime, que ce soit l'État, les institutions, ou voilà, ce qui nous opprime, quoi. Mais tu ne crois pas que c'est aussi l'idée d'un « plus on est, plus ça fonctionnera », cette idée sans faire de l'idéologie, mais je veux dire, il n'y a rien à faire s'il y a le nombre dans la rue d'une masse de gens. Les changements ne sont jamais arrivés par les masses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plus de 50% de la population, machin, que pour avoir les masses. C'est toujours des minorités dans l'histoire. Hein. Donne-moi un exemple. Les révolutions, ils n'étaient pas... Les gens qui ont pris, la révolution à Paris, ils n'étaient pas la majorité. Et c'était pour d'autres raisons qu'ils l'ont fait, mais De quelle révolution tu parles ? Non, mais je pense même que les personnes qui, par exemple, dans les révolutions qu'on a dit du printemps arabe, dans les révolutions dans les pays de l'Est qui ont eu lieu, c'était pas une majorité des gens qui se sont insurgés contre l'État ou contre un oppresseur, quoi. C'était une minorité. Après, il y a eu de la contagion. Il y a de la contagion, mais ça part toujours de minorité, quoi. Mais il y a de la contagion. Mais donc, après, stratégiquement, si on est 4-5% dans la rue, c'est-à-dire 100 000, 150 000, 200 000, ça reste une minorité de 200 000 en rue. Mais cette minorité-là, elle peut faire bouger. Voilà, mais c'est une minorité de 200 000 dans la rue. Oui, mais c'est quand même, mais quand je dis la masse, c'est pas le monde entier, pas le pays entier, mais en tout cas un nombre assez conséquent de gens. Voilà. Je suis d'accord. Mais ça reste des minorités d'un point de vue démographique, quoi. Sur un ensemble, que tu prennes la référence des États-nations, des pays ou d'un territoire, peu importe, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, écoute, il faudra continuer parce que là, hein, Seb, merci, hein. Merci à toi, Graziella. À la prochaine. À plus.